Ton fils a fait son chemin. Il a réussi. C'est pour ça que je ne suis pas venu vous voir avant. Je veux que tu saches que je suis un fils très bien. Voilà $1000. Pour toi, maman. T'as tué qui pour ça, Antonio? Maman! Oh, ça non, j'ai tué personne, maman. Non? Non. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Les banques ou c'est encore les bodegas avec les autres voyous? Non, tout ça, ça a bien changé. Je travaille avec des anti-Castro, un groupe. Je suis même organisateur et je reçois beaucoup de donations politiques. J'en suis sûr. Et le revolver braqué sous le nez des gens. À d'autres. Tu sais, chaque fois qu'on prend un journal, ça parle des bêtes fauves comme toi. Et des crimes. Et c'est des Cubains comme toi, Tony, qui font mauvaise réputation pour notre peuple. Un peuple qui est venu ici pour travailler dur et pour bien gagner la vie. Un peuple qui envoie ses enfants à l'école, qui paye ses impôts et qui a tout. Qu'est-ce que tu racontes? C'est ton fils! Fils? J'aimerais en avoir un. Et c'est une merde. Non. C'était déjà une merde. Et c'est encore une merde maintenant. Pour qui tu te prends? On n'a pas eu un mot de toi pendant plus de 5 ans. 5 ans. Et tout d'un coup, tu débarques, tu nous jettes une poignée d'argent et tu crois que tu auras mon respect? Tu crois que tu peux m'acheter avec des bijoux? Oui, maman, pourquoi? Tu crois que tu as le droit de venir sur mon toit avec tes costards, des gros cracks, ton air, des bagnards et de te moquer de nous? Maman, tu ne sais plus ce que tu racontes, maman. Non, non, on ne fait pas ça chez moi, Antonio. Okay. Et Gina, je ne l'ai pas élevée comme ça non plus. Elle, je t'interdis de la détruire. Ton argent, pas besoin. Gracias. J'ai mon travail, ça me suffit. Et je ne veux plus te revoir dans cette maison. Ne rôde plus autour de Jean. Et ça t'amène. Fous le camp. Ok. Allez. Et ton sale argent, tu le remportes. Il pue. Tony. Maman, tu es vraiment obligée de tout gâcher, hein? Ça me fait de la peine, Tony. Ok. Ok, maman.